manifestant la parole de l'amour. Je vais entendre la radio. Entre évolution et révolution, notre planète connaît de multiples et profondes mutations qu'il n'est pas toujours évident de comprendre. Assailli par des préoccupations quotidiennes, vous n'avez peut-être pas toujours le temps de vous brancher sur une source d'information fiable. Radio Bonne Nouvelle vous offre une solution. Tous les samedis à partir de 12h30, arrêtez-vous à la station 99.6 FM et faites le plein de l'information utile de la semaine écoulée au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Vous y trouverez des journalistes, des politiques, des analystes à la pointe de l'information pour votre plus grande satisfaction. RBN Hebdo, l'info hebdo qu'il vous faut. Avec Patrick Chouinkam et Raoul Patrick Bifeyok, tous les samedis, 12h30, 14h. Dans l'église. Samedi 7 mai 2016, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, il est 12h passées de 32 minutes. Merci de nous rester fidèles et d'être de cet autre rendez-vous de RBN Hebdo, le premier de ce mois, qui, comme tous les premiers samedis du mois, met en scène l'église et la presse à la faveur de la fête du travail et des problématiques liées aux questions des conditions de vie des travailleurs. RBN Hebdo et ses invités se penchent cet après-midi sur la lancinante question de la rémunération des ouvriers de l'église. Intercesseurs, leaders de chorale, d'évangélisation, diacres, pasteurs, doivent-ils être rémunérés? Par qui et dans quelle proportion? D'où devraient alors provenir les ressources pour leur entretien? S'il vous prend l'envie de participer, n'hésitez pas à nous interrompre au 690-93-93-34 ou encore au 243-07-56-32. RBN Hebdo, on est ensemble jusqu'à 14h. Les invités sont déjà des nôtres. Nous sommes en compagnie cet après-midi de l'apôtre Robert Kamte, auquel nous disons bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, bonjour à tous nos auditeurs. Vous êtes leader depuis plusieurs décennies maintenant. À ce titre, votre expérience sur le management des différents ouvriers au sein de l'Église sera d'un apport essentiel pour cet entretien. Merci encore une fois de plus de vous être disposé, d'avoir disposé de votre temps au milieu d'un agenda que je sais très chargé pour édifier le peuple de Dieu. Nous prions que le Seigneur nous aide et que cela puisse se porter, pourquoi pas, un coup fatal à Satan. Tout à fait. Et aux différentes brouilles et embrouilles qui s'observent au sein de l'Église. Élie Bertrand Chebda, bonjour. Oui. Et bienvenue. Mais voici, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs des Radio Bonne Nouvelle. Très bien. Merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir consenti à donner de votre expérience. J'ai failli dire expertise, mais je vais dire de votre expérience. Dans le domaine, c'est toujours vous êtes aussi un leader et on verra que les approches qui sont différentes dans le management des différents ouvriers de l'église. Ouais. C'est toujours un plaisir pour moi d'être dans ce studio pour éclairer les antennes et pour apporter ma petite pierre de contribution à l'édifice que Christ construit. Très bien, j'ai dérogé à l'élégance masculine tout à l'heure parce qu'elle s'est absentée. J'aurais dû commencer par la priorité aux dames, mais les excuses devraient être réciproques parce que vous n'étiez pas là. Et là, Sarah, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Patrick et bonjour à tous mes frères en studio et à tous les auditeurs à la maison. D'entendre d'ailleurs, je n'oublie pas. Il vous en voudra de l'oublier. Vous êtes artiste, vous êtes chantre de l'Éternel et dirigeante en outre du fameux du Forum des artistes musiciens gospel, et vous exercez depuis pas mal d'années dans le ministère de la louange, dont à ce titre nous aurons besoin de votre expérience, de votre analyse et de votre vécu pour comprendre comment sont traités ceux qui exercent spécifiquement dans ce domaine et dans bien d'autres. Donc merci d'avoir disposé le temps, et la Sarah. Merci. Et pour mener le débat, comme déjà plusieurs mois maintenant, je suis en compagnie du rédacteur en chef de Radio Bonne Nouvelle, Raoul Patrick Bifeyoy. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour Patrick, bonjour à nos différents panélistes qui sont là, l'apôtre Kamti, Elie Bertrand Tiabda et la Sarah, et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Je pense que la problématique est aussi hautement importante, qui se devront peut-être de pouvoir aussi participer. Très bien. Tous les 1er mai, c'est connu depuis 130 ans maintenant, la communauté internationale célèbre la fête internationale du travail, et le prétexte était approprié cette année pour que l'Église se penche là-dessus. Ceux qui travaillent à l'Église, dit-on, en plein temps, que ce soit dans le ministère pastoral, diacre, louangeur, qui ont donné de leur vie et qui donnent du meilleur d'eux-mêmes pour que l'œuvre du Saint aille de l'avant, méritent-ils une rémunération? Dans quelle proportion? Et qui est censé les rémunérer? C'est un débat qui a cours au sein de l'Église et qui divise. Les avis, vous allez voir, sont assez tranchés, très souvent opposés là-dessus. Apôtre Bekamte, je pose la question à vous. Est-ce que ceux qui travaillent à l'Église devraient être rémunérés? Oui. Financièrement, là, nous, pour que oui. La question oui, soit... Oui, je pense que ça dépend de qui c'est qui travaille et dans quel ministère. Je suis pasteur d'une assemblée en Colmitac, d'environ 600 personnes. J'ai sept autres églises filles dans cette ville. De vous coordonner sept autres églises. Voilà, deux que les malentendus, à Limbé, une en France. Et je sais que c'est assez difficile. Il m'est arrivé, quand j'étais plus jeune, de vouloir donner un salaire au diacre. J'ai commencé à leur donner un salaire lorsque, une nuit, j'ai reçu la visitation du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a demandé qui c'est qui m'a ordonné de donner un salaire à ses serviteurs. Une rémunération au diacre. J'ai pu retarder ma position et j'ai arrêté de le faire. Donc je dis, ceux qui travaillent à l'Église, d'ailleurs la Bible le dit, c'est Paul qui le dit, tout à l'heure je vais attendre de lire, que ceux qui travaillent dans l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Maintenant, je mets ici plusieurs catégories. Les diacres font un travail qui, ma foi, dans les Saintes Écritures, il n'y a pas de trace où on ordonne de les payer. Le chantre, le diacre de chant, les moniteurs de corps du dimanche font un travail. Et pour ma part, je n'ai pas trouvé quelques écritures qui me permettent d'allouer à ces personnes un salaire. Nous avons au sein de notre église est formée des pasteurs et ses assistants, des diacres, des huissiers, des moteurs des corps du dimanche, du directeur des chants, et je dirais du concierge. Si. Le concierge a un salaire parce qu'il travaille pour nettoyer, veiller, entretenir l'église. Les diacres sont les assistants du pasteur. Les premiers diacres, vous le savez, ont été institués à partir des Actes des Apôtres quand les apôtres ont dit il n'est pas bon que nous travaillions à l'évangile et que nous allons travailler également sur servir sur la table. Ainsi, on a commencé à trouver nos premiers diacres. J'ai noté quand même la citation dans la Bible, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Chapitre 6, voilà, versets 1 à 6. Et quand Paul demande que l'on travaille et qu'on vive l'évangile, nous sommes bien dans 1 Corinthiens, chapitre 9. Voilà, on peut le lire tout chapitre. Donc, moi, dans mon église, en réalité, je ne me sens pas conduit à donner un salaire. Par contre, ce que je fais pour les diacres, c'est que je leur donne des dons. À la fin de l'année, on les offre, je ne sais pas qui est une veste, parfois on leur donne des dons, mais j'appelais pas cela salaire. Ceux qui ont un salaire à l'église, c'est le pasteur et ses collaborateurs qui travaillent, comme on dit, travaillent dans l'évangile, à la prédication de l'évangile. Et d'ailleurs, si on parle de la rémunération, on est obligé. Les pasteurs, pour qu'on se comprenne bien, les pasteurs, ils ont une rémunération établie et qui est régulière. Et sur quelle base vous établissez leur rémunération? Ben parce que la dîme. On va rentrer dans les origines des fonds pour les, que vous leur attribuez. Mais sur quelle base vous établissez, par exemple, ce pasteur, il doit avoir 50 000 francs, il doit avoir, avoir 100 000 francs. Ah oui, ben les bases, la Bible dit que quand on regarde dans les actes des apôtres, on dit qu'on les, on recevait les biens que les chrétiens apportaient et on les redistribuait selon son besoin. D'accord, donc la redistribution, c'est en fonction des besoins. Des besoins, oui. Oui, donc il n'y a que les pasteurs et leurs assistants qui ont un salaire dans fixe. Mon église, il n'y a que des pasteurs, et leurs les assistants, moniteurs d'école le dimanche, les diacres ont des dons ponctuels. D'accord, des dons ponctuels. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la gestion des ressources humaines est un peu limitée, elle est restreinte à ceux qui ont le ministère de la parole dans ce cas? Oui, je ne veux rien faire en dehors des Écritures. Je n'ai pas trouvé de traces dans la Bible où il faut les payer. Par contre, les ministres de l'Évangile sont payés par les dîmes. Parce que maintenant. Ok, on va revenir là-dessus. Ouais. Alors, Emo et la Sarah, quand vous entendez, peut-être pas nécessairement pour réagir à la. À l'exposé du pasteur, mais votre approche de la chose. Je ne réagirai pas à sa réaction. Mm. Moi, je suis chambre de l'Éternel. Mm. Je suis fille du Très-Haut. Mm. Et je suis fière de le dire. Si. Je voudrais, avant de dire toute chose, qu'on redéfinisse un peu les termes. Qu'est-ce que c'est que travailler? Travailler, selon la définition du dictionnaire, je crois que nous parlons le français, et quand on veut se connaître la diffusion des mots, on va dans le dictionnaire français d'abord. Travailler, c'est pratiquer une activité douloureuse et qui est rémunérée. Pareil aussi pour œuvrer. Les ouvriers, c'est ceux qui travaillent une activité douloureuse, qui font une corvée. Maintenant, moi, je veux me poser la question, ce que nous faisons à l'église, est-ce que ce sont des activités douloureuses que nous pratiquons à l'église? Ou alors, est-ce que nous sommes au service de Dieu? Alors, si nous sommes au service, ça veut dire que le service, lui, ce sont des charges obligatoires que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et dans le dictionnaire même, la définition du service nous ramène aux activités dans les lieux d'église, si vous voulez, dans les lieux d'église. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. Mais le service, c'est d'abord dans l'église. Dans le service, il doit être volontaire. Mais il est obligatoire par rapport aux règles que Dieu nous a données. Premièrement, tous ceux qui sont nés de nouveau sont, je crois que vous ne me démentirez pas, désormais des sacrificateurs du Dieu très haut. Et ils ont le mandat, tout premier, pour Jésus a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Alors si tu m'aimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Paix mes brebis. Alors, perdre les brebis, ça revient pas seulement au pasteur, vous allez m'excuser, ça revient à tout le monde, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Parce que le premier mandat qu'on nous donne, c'est aller et faire de toutes les nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle, faire que les gens sortent de la mort pour la vie. C'est ça la responsabilité de tous les enfants de Dieu. C'est ça le premier service, qui ne se fait pas avec corvée, mais qui se fait volontairement, parce que c'est une obligation volontaire. Bon, maintenant, il se trouve que, parce qu'on ne peut pas vivre dans le désordre, il a été créé des assemblées pour essayer de regrouper les gens pour fonctionner dans l'ordre. Parce que moi, je sais que c'est à ça que servent les assemblées. Les assemblées ne servent pas à autre chose. Parce que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la structure, mais c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau et donc, qui marchent dans la crainte de Dieu. Donc les assemblées sont pour structurer, pour que les choses n'aillent pas dans simplement tous les sens. Simplement, dans le désordre. Oui. Maintenant, en assemblée, il ne faut pas qu'on fasse la discrimination et qu'on soit égoïste, moi je vais utiliser ce terme, qu'on dise tout le monde dans l'assemblée, que ce soit les diacres, que ce soit les balayeurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les moniteurs d'enfants, sont au service du Seigneur, pour l'édification du corps de Christ et pour le salut des âmes. Pour revenir aux définitions. Bon, maintenant. La rémunération. Ça veut dire que vous vous tenez compte de la gestion globale des ressources humaines à l'Assemblée. C'est pour dire que il faut déjà savoir ce à quoi nous sommes appelés. Si nous sommes appelés pour venir travailler, si on a pris ça dans. On conçoit comme un travail où je suis recruté peut-être à SGBC ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du service de Dieu. Ça veut dire que tous les fonds qui arrivent à l'Église, toutes les ressources financières de l'Église doivent être réparties parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas d'indigents dans la maison du Seigneur. Vous comprenez? Et repartir alors sur repartir même avec 11 heures. Oh, pas simplement à ceux qui sont dans le travail, c'est-à-dire qu'il y a un staff à l'église, parce qu'on a établi ça comme ça, selon les hommes, mais ça ne devrait pas être comme ça. Il n'y a pas que le staff qui doit être rémunéré. Il y a les veuves et les orphelins. Il y a les indigents qui doivent être, dont on doit s'occuper. Donc je reviendrai à la question de Patrick, la gestion des ressources financières et des ressources des personnes. Comment gérer ces personnes? Il ne faut pas vous acheter les vestes et puis entre-temps, les indigents souffrent. Qu'une précision soit faite avant que je passe la parole, avant qu'on ne passe la parole au pasteur Élie Bertrand Tchabda, qu'une précision soit faite. Nous parlons ici, les ressources, il y en a. Nous parlons ici des personnes qui ne font rien d'autre, par exemple, que l'évangile. Il est pasteur, il prend soin des brebis toute la journée. Et vous, par exemple, et celui qui est chantre, qui a son activité, là, son boulot, il bosse dans une boîte quelque part, et de son temps libre, il le donne, il le consacre au Seigneur. Par exemple, en soirée, on vient conduire l'intercession, ou certains jours, on vient conduire la louange, ou les monitrices d'école du dimanche, par exemple, qui très souvent ne rendent même cercle que le dimanche. C'est vrai qu'il y a du suivi des enfants. Est-ce que celui-là qui donne pleinement de son temps, de son énergie au service de l'Évangile ne mérite pas une plus grande attention en termes de rémunération salariale, entre guillemets, que celle-là, la monitrice d'école du dimanche, sans faire insulte à cette profession que je trouve d'ailleurs très louable, qui, elle, n'apparaît que le dimanche? Pour vous, je, ils doivent je être crois que les ouvriers, oui, pourquoi je me souviens de la parabole, mais là ça me vient tout de suite. Les ouvriers, ils ont tous travaillé, oui. Ils ont tous été au service et ils ont été rémunérés de façon équitable. C'est très délicat. Et ça a fait des mécontents. Mais c'est Dieu qui gère ça comme ça. Ok, on va revenir. Mais je voudrais ajouter que Dieu se souvient de ses serviteurs. Il n'est pas ingrat. C'est l'un des meilleurs boss dans le monde, même pas l'un des meilleurs. C'est le meilleur boss qui existe, qui se souvient de ses serviteurs et qui sait les rémunérer en temps opportun. D'accord. Parce que ce que nous avons en assemblée ne peut pas suffire, justement, si on veut parler d'argent, ne peut pas suffire à résoudre tous les problèmes. Mais Dieu se charge de chacun de ses serviteurs et peut ouvrir les portes, peut faire ce qu'il veut pour que celui-là soit équilibré. Très bien. Alors, précisons avant de passer la parole au pasteur Élie Bertrand Tchabda, que le motif, le prétexte de ce débat, de cet échange, part d'un constat selon lequel, dans pas mal d'assemblées, il y a des revenus, des ressources financières. Le pasteur, si souvent, et sa famille ou le leader principal mènent un train de vie luxueux, exubérant, pendant que ses plus proches collaborateurs tirent le diable par la queue, qui vivent dans le dénuement le plus absolu. Les ouvriers sont en apparence et en réalité dans une vie à la limite de la mendicité. Et d'où la question de savoir cette concentration des fonds, des revenus sur une seule personne. Est-ce qu'il ne faudrait pas penser aux autres ouvriers et dans quelle mesure? Alors, Élie Bertrand Tchabda, vous avez la parole. Merci. Dans votre propos lumineux, vous êtes parti du 1er mai, qui est la fête du travail. Vous avez dit que ça fait 130 ans qu'on célèbre cela. C'est un prétexte donc pour toucher ceci au milieu de l'église. Et donc là, je pense, depuis le propos de ma soeur, elle a défini le travail comme étant la pratique d'une activité douloureuse qui mérite donc la rémunération. Ça me pose donc à poser certaines questions autour de cette définition. Pas pour dire que sa définition n'est pas bonne, mais pour avoir la compréhension. Non, c'est une bonne définition. Mais je veux dire que définie comme ceci, comme cela, on se pose donc la question qui emploie. C'est la vraie question, parce que si on travaille pour quelqu'un, qui emploie? Et dans ce cas, qui est censé rémunérer? Ce sont des questions qu'il faut poser et puis déposer. Et maintenant, nous avons les types dans le monde, par exemple. Vous avez cité le cas de banque, pour ne pas faire la publicité d'une banque particulière, par exemple, une institution bancaire qui a des employés. Cet employé-là est censé attendre la rémunération de la personne qui l'a employé. Alors maintenant, qu'en est-il donc de l'église? Si on pose ces questionnements-là, il faut qu'on va dans l'institution même de l'église, la personne qui a institué l'église, pour lui poser des questions. Parce que comme le frère, l'apôtre Kamte disait tout à l'heure, il a dit tout à l'heure qu'il pensait dans son ministère payer les diacres, puis je crois que si mes trompes me reprend, puis il a eu un songe, Dieu qui le reprochait de ne pas le faire, sur quelle base le fait. Et il a à plusieurs fois dit, il n'a pas vu dans l'écriture les bases pour pouvoir payer les chantres et les autres, la diacre, il n'a pas de base scripturale. Alors ça veut dire que quelque chose est en lui, en train de lui dire qu'en réalité tout doit être fait d'après le modèle de la parole. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16 qu'il bâtira son église et les portes de ce jugement ne prévaudront point contre elle. Il a bâti l'église par les premiers apôtres que nous avons vus dans la des Actes des apôtres. En fait, donc, tout naturellement, nous devions nous poser la question comment ces apôtres-là et ces disciples, premiers disciples fonctionnaient. Et donc, dans ces cas, on devrait aller dans la Bible. Madame également dit tout à l'heure que le Seigneur a dit qu'il ne devait pas avoir des indigents parmi nous. C'est ce que Jésus a dit et dans Deutéronome 15, Dieu avait d'abord dit cela à Israël. Alors maintenant, il faut que nous allions dans la Bible pour savoir comment l'église fonctionnait. Parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement éloigné des Saintes Écritures au point où on a confondu les institutions, les organisations humaine à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous revenons à la définition de toutes ces choses-là, maintenant nous allons savoir comment eux faisaient et par conséquent nous devons admettre que nous avons fait l'erreur, nous éloigner du principe de Dieu et retourner là-bas pour qu'il n'y ait pas de murmure. Souvenez-vous, il a cité Actes chapitre 6 pour par rapport à la première institution des diacres. Là-bas nous voyons effectivement que lorsque le nombre de disciples augmentait, la multitude, il y avait cette tendance-là hellénique avec les juifs qui avaient cru quoi, les femmes et les hébreuses étaient négligées dans la Bible appelle la distribution qui se faisait chaque jour. Donc ça pose déjà encore un autre problème. La distribution qui se faisait chaque jour, qu'on pose les questions d'où venaient les choses qui étaient distribuées. La Bible nous explique au chapitre 4, chapitre 5 que les gens qui possédaient des champs, des maisons, vendaient, venaient déposer la somme au pied des apôtres et on faisait la distribution. Donc initialement ce sont les apôtres qui distribuaient cela et on distribuait à chacun selon son besoin, pas un salaire particulier parce que la Bible n'a pas précisé là-bas que c'est parce que quelqu'un faisait telle ou telle chose qu'on faisait. On dit que à distribution qui faisait chaque jour. Or là il s'agit des veuves. On dit que les veuves et hellénistes, donc ceux qui avaient cru étant des grecs, des femmes grecques, étaient commençaient à marginaliser. Il semblait-il, elles pensaient qu'elles étaient marginalisées. Elles ont commencé à voir que on donne au plus aux femmes hébreuses. Vous voyez ces choses là, cette distinction là, ça a commencé depuis là. Elles ont cru qu'on donne aux femmes hébreuses plus qu'à eux. C'est là où les apôtres ont tenu cette réunion-là pour faire élire les sept personnes pour qu'ils soient chargés là-bas, pour qu'ils soient acquittés à la part. Il ne s'agit pas du salaire. Il s'agit d'un système que le petit à petit le Saint-Esprit met en place pour que personne qui n'ait pas de déséquilibre dans le corps. Donc je crois qu'au fil des temps, nous allons entrer en profondeur pour entrer dans les Saintes Écritures. Mais vous pouvez commencer déjà à répondre aux questions oratoires auxquelles vous vous posez. Oui. Qui emploie d'abord? Oui. Bonne question. La Bible déclare. Permettez-nous de prendre cet auditeur. Voilà. Allez-y. Oui. Allez-y. Donc, la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 10, le Seigneur Jésus a dit que priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers à sa moisson. D'abord, j'ai cité ici que le Seigneur Jésus a dit je bâtirai mon église. Nous parlons de l'église ici. Et il ne s'agit pas de l'église d'un être humain, mais c'est l'église du Seigneur Jésus. Et si c'est l'église du Seigneur Jésus, il n'a pas dit qu'il va envoyer les gens bâtir son église. Il a dit que c'est lui qui va bâtir son église. Et donc, s'il bâtit son église, c'est à lui de donner les dispositions et mettre les dispositifs pour pouvoir bâtir cette église-là. Donc, en toile de fond, nous voyons effectivement quand le Seigneur était sur la terre, il envoie déjà les disciples exercer dans ce ministère-là. Puis, quand il va quitter la scène, il va donner donc les prérogatives par rapport à son ministère et plus tard donner les injonctions, les prescriptions et les préceptes par le Saint-Esprit au travers des écrits que nous avons aujourd'hui. Alors, on essaie un peu d'identifier, hein, on identifie dans l'église les différentes ressources humaines qui existent. Oui. Il y a ceux qui rentrent, qui sont dans le ministère de la parole. Oui. Je souhaiterais simplement qu'on puisse étendre. Oui. Et lorsqu'on fait une certaine lecture avec ce qui était lié au temple dans l'Ancien Testament, oui. On parlait des chantres, oui. On parlait des sacrificateurs, oui. On parlait des lévites. Des lévites, oui. Aujourd'hui, le champ est beaucoup plus élargi. Élargi. Où il y a des gens qui ont d'autres compétences qui peuvent intervenir. Absolument. Vous avez des instruments modernes aujourd'hui où oui. Des gens ont certaines qualifications pour pouvoir les entretenir. Oui. Est-ce qu'on tient compte de toutes ces personnes? Voilà. Maintenant, avant de répondre à votre question, je vais toucher le cas des concierges dont a parlé l'apôtre tout à l'heure. Vous avez remarqué qu'il a dit qu'il n'a pas de base scripturale, par exemple, pour pouvoir payer les diacres. Alors maintenant, je poserai aussi la question, où sont les bases scripturales pour payer un concierge et qui sont des concierges? Il a dit qu'il n'y a pas de base scripturale pour payer les monités de l'école des dimanches. Où sont dans la Bible les monités de l'école du dimanche? Ça se trouve pas. Donc c'est pour ça que je t'en ai dit qu'il faut qu'on éclaircisse cette chose parce qu'on a ajouté, il y en a eu des ajouts humains. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, la Bible déclare que Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes, ainsi de suite. Ceux qui ont les dons de guérir, secourir, ainsi de suite. Et puis, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, toujours, il va installer ces choses-là. Éphésiens, chapitre 4, verset 11 et suivant, nous parle des cinq ministères, les dons hommes dont Dieu a donné au milieu de l'église. Et par conséquent, il faut qu'on va, l'architecture de l'église telle que définie dans le Nouveau Testament pour pouvoir comprendre. Vous me demandez que dans l'Ancien Testament, il y a le sacrificateur, les lévites, puis le peuple. Dans l'Ancien Testament, et on voit effectivement comment ils avaient les fonctionnalités. Et David va mettre les fils de Kehath avec Asaph, chargé de sonner des cymbales retentissants devant l'âge de l'Éternel. Maintenant, il faut regarder maintenant en similitude dans le Nouveau Testament qui sont chargés de ce poste-là. On présente également aujourd'hui le ministère des chants dans le Nouveau Testament. Mais comme il a dit que c'est, comme l'apôtre a dit que le ministère des, quoi, il ne voit pas la base scripturale pour payer les diacres dans l'église, c'est de la même façon par rapport aux chants. Aujourd'hui, nous voyons effectivement qu'il a parlé de la part de conseil. Et les pasteurs alors? Je vais toucher justement là-bas parce que. Non, en fait, il y a a pas de base culturelle pour parler des pasteurs. C'est pour ça que ce sont des interprétations, parce qu'on est arrivé à vraiment à un moment donné, parce que on a pris la chose avec le, vous avez utilisé la terminologie temps plein, à plein temps. Et vous remarquez, vous avez posé la question, sur quelle base on va payer maintenant? Est-ce qu'on va payer mensuellement ou annuellement? Pour le cas des gens, il a dit que c'est les dons qu'on donne à la fin de l'année. Mais là, dans ce cas, on va accorder la priorité à cet auditeur qui s'impatiente au bout du fil. 243-07-56-32. Bon après-midi et bienvenue. Oui, bonjour. Oui, vous présentez, vous intervenez. Oui, je suis Monsieur Joseph Ndota à l'appareil. Mmh. C'est avec un grand intérêt que j'écoute votre débat. Mmh. Je salue déjà tous ceux qui sont sur les panels. Merci. J'aimerais intervenir en disant que. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, voilà. Donc j'aimerais intervenir en disant que. C'est déjà très très bien pensé d'avoir soulevé le sujet. Premièrement, d'après ce que moi je pense, dans la Bible, il y a eu la tribu de Lévi qu'on appelait les Lévites et qui eux passaient. Allô? Oui, allez-y. Oui, et qui eux passaient tout leur temps dans la maison, dans le temple de Dieu, et qui faisaient et à qui était réservé un traitement particulier. Mmh. Et je pense que dans la maison de Dieu actuellement, il y a des gens qui sont également réservés un traitement particulier. Mmh. Maintenant, je pense que avec notre époque d'aujourd'hui, je ne dis pas que ce qui a été dit là dans la Bible est obsolète, non. Avec notre époque d'aujourd'hui, il y a d'autres fonctions qui sont nées dans l'Église en fonction de comment le monde évolue. Je prends par exemple le cas des personnes qui sont dans l'Église, qui servent l'Église, qui servent le Seigneur au travers peut-être ça peut être la gestion d'un site internet que l'Église a mis en place et qui passent toute leur journée à le faire. Je pense que dans ce sens, ils sont en train de servir Dieu au travers de cette activité. Pour ma part, en ce qui concerne les personnes qui passent tout leur temps, ou la très grande partie de leur temps, dans le service de l'Église, je pense que l'Église devrait pouvoir rémunérer ces personnes. Ça peut être ceux qui passent le temps seulement pour nettoyer les bancs, qui se rassurent que les ventilateurs, les lumières sont éteintes, ainsi de suite, les lumières sont éteintes à la fin du culte, ainsi de suite, qui rangent les chaises, ainsi de suite. Je pense que l'Église également devrait trouver le moyen de rémunérer ces personnes. Mais maintenant, pour ma part, pour les personnes qui ont des activités en journée et qui en réalité viennent à l'Église, qui ressentent un fardeau, pouvoir donner de ce qu'ils ont, pouvoir donner de leur intelligence, de leur expertise pour la gestion de tel, ça peut être la comptabilité de l'Église, ça peut être ceci ou cela, ça peut même être chambre de l'Éternel, moi c'est ce que je pense. Je ne suis pas pour que ces personnes-là reçoivent une rémunération particulière, ou une rémunération de tout. Pourquoi? Parce que ce sera un peu comme éliminer le sacerdoce dans l'Église. C'est vrai que ces personnes qui... Moi, je pense, pour ces personnes qui peuvent avoir des responsabilités ou qui n'en ont pas, mais qui sont continuellement au service de Dieu, moi, je pense qu'on doit leur donner quelque chose. Donc, c'est ce que je pense. Et il faut également dire, il faut le souligner qu'aujourd'hui, en dehors des fonctions de l'Église, qui étaient dans l'Église là, dans le passé, dans la Bible, aujourd'hui, il y a d'autres fonctions qui ne sont tracées nulle part. J'entendais le pasteur dire qu'il n'a pas vu la trace de signe de ça dans la Bible. Il y a des fonctions aujourd'hui, comme j'ai pris le cas d'un frère qui gère le site internet ou qui gère quelque chose ce qui va avec avec notre époque actuelle. Donc, pour ne pas prendre beaucoup d'antenne, ça a été ma participation. Merci infiniment. Vous allez réagir tous les trois sur l'avis de cet auditeur qui estime, en l'âme de fond, le fond de sa pensée, c'est quelque part que on est à plein temps, l'Église se doit de prendre en charge ces personnes et celles qui, de partiellement de leur temps et de leur engagement, eh bien, elles ne méritent pas une quelconque rémunération. Alors, je vois sourire, apôtre Robert Campi. Justement, c'était là ma préoccupation, Pat. Lorsque j'insistais sur la gestion globale des ressources des ressources au sein de l'Assemblée, parce qu'il faut tenir compte de tous ces paramètres, ces personnes qui ont des qualifications, qui ont consacré totalement leur temps à s'occuper des questions hautement importantes au sein de l'Assemblée. On a des maintenanciers, on a des informaticiens, on a des ingénieurs de son qui consacrent totalement leur temps à faire ce travail. Comment arrive-t-on à pouvoir gérer le quotidien de ces personnes? Je pense pour ma part que si un pasteur a assez de moyens et qu'il pense qu'il doit garder un chanteur à plein temps, un informaticien à plein temps. Assez de moyens provenant d'où? Des moyens personnels? Peut-être. On va y arriver. Moi, je dis, c'est qu'il est bien. En fait, moi, je ne peux pas, en dehors de mon pasteur assistant, j'ai conseillé à tous les pasteurs, à tous les prédicateurs de travailler. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai commencé à servir à 17 ans, j'ai arrêté de travailler à 45 ans. Voilà, donc j'ai travaillé comme dit après le peuple pour aider les autres. Pendant longtemps, j'ai travaillé à l'église, je ne prenais pas un sou. Je reversais les dîmes, les offrandes que j'avais, je les redistribuais aux prédicateurs que je connaissais être démunis à travers le pays et même hors de nos frontières. C'est même mon église qui, à un moment donné, a dit pasteur, c'est pas juste. Ils m'ont presque obligé à prendre un salaire. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai commencé à dépendre totalement de l'église. Quand j'ai arrêté de travailler. Mais avant d'aller travailler, j'ai fait des réalisations. J'ai fait des réalisations, j'ai acheté des terrains que j'ai revendus. Ça m'a amené à acheter des terrains et à bâtir des immeubles. Voilà, les immeubles que j'ai n'est pas le fonds qui vient de l'église. J'ai travaillé, j'étais un entrepreneur, j'ai deux entreprises de construction qui ont fonctionné à ce pays. Et au travers de cette entreprise, j'ai fait beaucoup de réalisations. Pour le bien de l'église et même pour mes collaborateurs. Donc je dis que si un frère, une sœur travaille à plein temps à l'église, ben, cette personne doit manger. Il faut bien que cette personne mange. On ne va pas lui déjeuner toute sa vie. Enfin, il va mourir au bout de 7 jours. N'en dépend à ceux qui disent qu'ils jeûnent 40 jours, mais si tu cesses de manger pendant 7 jours, l'homme, tu meurs. La femme, 8 jours, tu meurs. Si tu cesses de manger à sec, 8 jours pour la femme. Je vous interromps. Une idée qui me monte impromptuement à l'esprit et qui a trait à la parole de Dieu. On a le cas de Anne de Fanuel qui est restée depuis qu'elle avait perdu son mari dans la prière au temple, priant, intercédant, en attendant la venue du Messie. Alors, cette femme était-elle à la charge du temple? Qui, selon vous, prenait soin d'elle? Je ne peux pas avoir une écriture pour vous dire exactement. Parce que, ce type de personnage, oui, au sein de l'église, comment? D'accord, je vais répondre. Vous avez, la Bible dit qu'elle était au temple, elle priait nuit et jour. Ça ne veut pas dire qu'elle se lavait au temple, etc. Elle devait sortir pour aller chez elle. Son mari avait laissé peut-être des biens. Tu ne peux pas croire qu'elle est restée là. Mais c'est ce qui est écrit. Oui, mais il faut qu'on aille plus loin. Bon, maintenant, je vais arriver. Si j'avais une femme comme ça à l'église qui viendrait s'occuper, moi, je m'occupe des veuves. La Bible a prescrit de prendre soin des veuves. Et oui, la madame dit qu'on doit prendre soin des nôtres. C'est-à-dire que vous avez des pauvres à l'église. Je prends soin même de ceux-là qui ne font rien à l'église, mais qui sont pauvres. Qui ne font rien. Ils ne sont pas des diacres, ils ne sont pas des... Vous allez souffrir quand vous interrompez. Il y a un autre auditeur qui se pointe à la ligne. 243-0756-32. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, le panéliste. Oui, vous vous présentez, vous intervenez. Oui, je m'appelle Monsieur Elon. J'appelle de Daido. Bon, j'interviens un peu parce que je pense que le débat ne va pas dans le sens où il faut aller. Il y a un thème qui nous dérange, nous tous. C'est ce thème de plein temps. Oui. Je ne sais pas ce qu'on appelle plein temps, franchement. Moi, je sais que tout chrétien est en plein temps avec le Seigneur, que ce soit dans l'église ou dans l'entreprise ou bien ailleurs, quel que soit l'endroit où il se trouve, il exprime le caractère du Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où on est en temps plein, un moment où on n'est pas en temps plein. Oui, moi, je comprends la façon dont nous comprenons, nous avons accepté, parce que nous comprenons le plein temps, c'est quelqu'un qui ne fait rien d'autre, une autre activité rémunérée en dehors d'aller à l'église, enfin de donner. Oui, mais qu'est-ce qui empêche cette personne de travailler? Mais peut-être qu'elle a été appelée. L'apôtre venait de parler tout à l'heure. Interdit de faire autre chose que son œuvre. Oui, l'apôtre disait tout à l'heure qu'il a travaillé durant toute sa période. Oui. Et il y a plein d'hommes de Dieu dans ce pays et dans le monde qui travaillent. Oui. Ils n'ont rien à voir avec ce faites-vous de cela. Que faites-vous de cela à qui le Seigneur a demandé de tout déposer pour le servir? Non, le Seigneur a dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Il n'a pas dit d'aller rester dans une église et dire que vous dépendez des autres. Le Seigneur n'accepte pas. Ça, c'est les paresseux qui le font. Non, c'est un avis. Hein? Non, franchement, nous devons travailler à partir du moment où chacun travaille. À partir du moment où chacun travaille, nous apportons ensemble. Et dans l'église, maintenant, il y a ce qu'on appelle des nécessités, c'est-à-dire des veuves, des orphelins, des gens qui sont malades. Bon, prenons le cas des gens qui sont malades, qui n'ont rien, qui n'ont aucune couverture sanitaire aujourd'hui. L'église peut faire ces choses. Voilà à quoi servent les ressources de l'église. C'est pas pour enrichir des hommes qui sont là, qui ont des deux mains, deux bras, qui peuvent travailler normalement, qui peuvent produire, qui peuvent être productifs et aider même ceux qui sont dans leur. Frère Elon, je pose une question. Oui, je pose une question. Permettez qu'on échange. Vous m'entendez? Permettez qu'on échange. Est-ce que vous concevez que Dieu puisse dire à un homme de tout abandonner, toute autre activité, et se mettre uniquement au service de l'Évangile? Oui, Dieu fait comme il veut. D'accord. Et bien, dans ce cas de figure-là, comment est-ce que l'Église s'occupe de Thomas, ça veut dire que c'est Dieu qui vous emploie. Oui. Dans ce et Gabriel disait tout à l'heure, que qui est l'employeur? Répondons à cette question. Quand on dit qui est l'employeur, donc qui est le rémunérateur, on comprendra. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Merci infiniment d'être passé par ici. Et vous revenez quand il vous plaît. J'étais disant avant que de vous rendre l'antenne, j'étais en train de dire que je prends soin à l'église, même de ceux qui ne travaillent pas, mais qui sont démunis. Oui. OK. Même de ceux qui travaillent et qui sont démunis. Ouais, non, même ceux qui travaillent, mais que leur salaire n'aille pas, il n'y a pas beaucoup d'affaires de moi. Pour combler les besoins. Voilà. Bon, maintenant, je veux dire, on a ouvert la porte à l'église. Il y a beaucoup de jeunes qui refusent de travailler parce qu'ils pensent qu'ils vont aller travailler à plein temps à l'église et avoir un salaire. Alors, quand un gars il vient pour servir le Seigneur et il y en a la tête qui va avoir un salaire, le motif est déjà faussé pour commencer. Je crois que Paul nous a donné l'exemple. Il faut travailler. Oui, j'encourage les jeunes à travailler. Fabriquer les temps. Bon, maintenant. Vous savez, je poursuis un petit peu. Vous savez, lorsqu'on encourage les gars à ne pas travailler, à venir attendre à l'église, alors vous entendez leur prédication. Ce serait accès uniquement chaque jour vers l'argent. D'accord. Ce gars-là qui a faim, ce gars-là qui ne bosse pas, qui n'a pas pu avoir de quoi manger, quand il vient à la chair, il attaque les gens qui n'ont pas d'argent à l'église. Et ton évangile, il y aura 90% de temps, seulement, c'est assez sur l'argent. Bon, je suis désolé. Oui, mais celui que le Seigneur a sincèrement appelé à tout laisser pour se consacrer à l'Évangile. Oui, la madame dit, je cite, si Dieu vous appelle, Dieu prend soin de vous. Si votre église... Mais il prend soin de nous à travers les hommes. Je poursuis. Oui, la madame dit, si Dieu vous appelle, alors Dieu va s'occuper. Si vous, l'église vous envoie, l'église s'occupe. Et si vous, vous partez, alors ne vous payez pas. Donc, pour y aller... Il faut savoir que Dieu vous a effectivement appelé à aller au plein temps. Mais pasteur, oui, permettez-moi, avant que William Branham ne cite cela, le Seigneur Jésus l'avait dit dans la Bible. Ouais. Il a envoyé les disciples, il a dit ne prenez ni bourse, ni habit de rechange. Ils sont partis, quand ils sont rentrés, il a dit que quand vous êtes partis, avez-vous manqué de quelque chose? C'est pour dire, effectivement, c'est là un employé ici, le Seigneur Jésus, qui les a employés, qui les a envoyés à son service. Il leur a dit, l'ouvrier mérite son salaire. C'est dans ce livre-là que nous prenons c'est le quoi, la base de cela. Et les pasteurs, justement, prennent ces passages pour tordre en disant que comme ils travaillent pour eux, et c'est quand même curieux, ils appellent serviteurs de Dieu, mais quand il faut prendre l'argent, ils demandent, ils disent qu'ils travaillent pour ces gens-ci qui, à qui prêchent les Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus qui dit là, Lucas, l'ouvrier mérite son salaire. Après, il dit qu'à l'ouvrier mérite son salaire parce qu'il a dit, je vous envoie là au milieu d'aller prêcher. Il dit, dans quelques maisons vous allez entrer, demeurez-y, mangez et buvez de ce qu'on vous donnera. Ça veut dire que le disciple va, il est conduit par le Seigneur à aller quelque part où on va lui donner quelque chose. Il dit, si on ne vous reçoit pas une maison. Dans le livre d'Éphésiens, il dit que celui qui... L'apôtre Paul, c'est lui qui le cite, que s'il a donné les biens spirituels, non, c'est le Corinthiens. Il a aussi droit, il a aussi droit aux biens temporels. Justement, on arrive là-bas, mais c'est pour ça qu'on va y arriver. C'est pour ça qu'il faut je passe la parole à Sarah. Est-ce que vous avez, et la Sarah, le sentiment d'une quelconque discrimination? Pendant que les pasteurs, nous sommes tous au service de Dieu, vous l'avez dit, nous sommes tous ouvriers, employés. Quelle est selon vous la bonne répartition des revenus de l'Église aux différents ouvriers? Si tout le monde est ouvrier, alors quand il y a un peu d'argent, on le redistribue équitablement tout le monde? Moi, je suis très, très touchée. Je dirais même déçue. Enfin, parlez-nous de la façon dont les choses sont traitées. On est devenu trop égoïste. L'égoïsme des hommes a tellement tordu la parole de Dieu que on ne connaît même plus ce qu'est vraiment la parole. Moi, je suis chante de l'Éternel et je n'ai jamais rien demandé partout où je suis passée. je veux dire dans les assemblées. Si je vais chanter en dehors de l'église, ça dépend. Je peux vendre mes CD et tout ça. Mais en tant que serviteur, servante de Dieu, je dirais même que ça m'énerve. On dirait que un papa a ses enfants dans la maison, et puis il est allé à la boutique, il a acheté un pain. Et puis il a posé sur la table, il dit, aujourd'hui il n'y a pas assez d'argent pour partager le pain là. Et puis vous bagarrez entre vous, vous vous tuez pour le pain. C'est ça l'image de l'église actuellement. Pourtant, c'est vrai qu'il y a les aînés, on devait se repartir en disant, bon, les aînés même parfois ont pitié des plus petits. Et ils donnent la grosse part aux plus petits. Ça veut dire à celui qui ne travaille même pas assez dans la maison. Pourtant, c'est l'aîné qui fait tous les travaux difficiles. Tout le monde sait, à la maison, c'est l'aîné qui est plus fort que le plus petit. Mais c'est le plus petit que tout le monde va privilégier. C'est pour dire quoi? En fait, le serviteur de Dieu est au service du plus petit. Il doit se sacrifier pour le plus petit. Et c'est qui le plus petit? Le plus petit, c'est celui qu'on ne voit même pas. Celui pour qui on n'a même pas d'égard. Sarah, permettez-nous de comprendre. La rémunération, comment doit-elle se faire? En fonction de la fonction que remplit le serviteur ou du besoin? Non, je ne peux pas donner... Je pense que c'est à moi qui a été posé la question. Dans le cadre où nous tous nous sommes... Le pasteur va m'excuser. Vous avez la parole, Sarah. Sarah a la parole. Donc, je ne veux pas parler de rémunération parce que je pense... Vous trouvez que ça n'a pas droit de citer à... Oui, je pense que en tant qu'enfant de Dieu, si on a vraiment l'amour de Christ en nous et qu'on a été établi comme berger d'un troupeau, on dirige ce troupeau comme étant un bon père. Là, je parlais du serviteur globalement, tenant compte de votre analyse. Qui est le serviteur? Vous avez dit tout chrétien. Qui est le serviteur? Justement, le frère qui a appelé tout à l'heure l'a dit, nous sommes à plein temps. Tout le monde est à plein temps. Parce que Christ Emmanuel, parmi nous, m'accompagne partout où je vais. Et en m'accompagnant, il me donne la possibilité de prêcher l'évangile partout où je vais. Et il se rassure que partout où je vais, justement, parce que je porte son service en moi, que la rémunération qui se rallie à ça m'accompagne aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a eu l'argent. La rémunération, ce n'est pas forcément l'argent. Quand les portes sont... Ce n'est pas forcément l'argent. Il y a tellement de choses. Lui, il a dit une chose tout à l'heure qui m'a vraiment touchée. Je réfléchis encore à ça. Quand on donne un cadeau à un diacre à la fin de l'année, entre 300 jours, il a fait comment? Il s'est habillé comment? Il a fait comment pour vivre? Donc, jour après jour... Ça ne pose pas de problème que le pasteur, le principal dirigeant de l'œuvre, mène un train de vie opulent. Et roule chaos. Et pendant que ses plus proches assistants, au nom du fait qu'ils sont au service de Dieu, parce que c'est Dieu qui doit les payer, ils sont extrêmement démunis. Mais ça a décrié, ce sont des bandits. Mais qui est le bandit? Celui qui prend tout et ne donne rien aux autres. Oui, mais vous avez dit... Excusez-moi, quand vous m'avez appelé pour cette émission, je vous ai dit, vous me cherchez les histoires parce que vous voulez qu'on me lance des pierres. Et l'apôtre Campos aussi a dit, ils sont au service de Dieu, donc c'est à Dieu de les rémunérer. Alors le pasteur s'asseyant, partant de ce postulat, considère que tous, il peut s'accaparer de tout et les autres, c'est Dieu qui va s'en occuper. Je l'ai dit, je vais le redire encore sous une autre forme. Tout ce qu'on fait en tant qu'enfant de Dieu, qu'on le fasse pour la gloire de Christ. Que ce soit la distribution de quoi que ce soit entre frères, que ce soit pour la gloire de Christ. Si un serviteur de Dieu, et puis c'est quand même bizarre qu'on arrive dans une assemblée, qu'on trouve que le pasteur a peut-être 3 voitures et qu'il y a des frères qui marchent à pied pour rentrer à la maison. C'est très, très bizarre. J'ai parlé d'égoïsme, Raoul Patrick. C'est de l'égoïsme. Il faut aller, c'est de l'égoïsme, c'est de la méchanceté. Ce n'est pas de l'amour. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des bandits. Et quand, si vous êtes dans ce milieu, vous vous érigez contre cela en disant quoi? Je ne suis pas l'ami de beaucoup. Ah, pour avoir dénoncé souvent. Oui, parce que je pense, moi j'ai l'habitude de dire, pasteur, excuse-moi, j'ai quelque chose à te dire. Mais permets-moi d'abord d'enlever ton col blanc, de mettre à côté pour te parler en tant que ta sœur en Christ. Voilà telle chose que je n'ai pas appréciée. Et si tu veux, rentre à la maison, le Saint-Esprit te rendra au ministère pour voir si ce que je suis en train de dire ne te plaît pas. C'est ce que j'ai l'habitude de dire au pasteur. Et je suis aussi en même temps, je ne suis pas l'ami de plusieurs, en même temps aussi l'ami de plusieurs. Ceux qui savent que je parle comme ça, savent que généralement, dans les églises, les fidèles ne peuvent pas dire des choses au pasteur. Même moi, j'ai le passeport pour entrer partout. Parce que je suis chante de l'Éternel et je suis servante du Seigneur. Donc je peux parler à un pasteur tout en le respectant, pas en disant que non, tu as escroqué, tu as, non, je ne vais pas faire ça, tout en le respectant, en m'approchant de lui, dit mon frère, j'ai entendu quelque chose là, mais est-ce que tu ne penses pas que la parole peut dire comme ça? On doit s'entraider. Ils font ça parce qu'il n'y a personne qui ne leur dit rien. Voilà, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Je n'ai pas dit que si quelqu'un t'a pour le Seigneur lui le paye. Le Seigneur n'a pas d'autre poche que la nôtre. Il n'a pas d'autre bouche que la nôtre. Je dis, quand Dieu vous envoie, Dieu s'en occupe. D'accord. Et Dieu a 150 manières de s'en occuper. Au point que vous n'en souffrez pas. Et vous ne commencez pas à décrier. Je n'ai pas dit que Dieu va laisser tomber la langue du ciel. Je n'ai pas dit ça. Je veux bien... Repréciser votre voilà. pensée. Maintenant, je veux également dire que je ne pense pas que dans une église locale, on devait reprendre tout l'argent qu'on a reçu et le redistribuer à l'église. Parce que nous sommes tous serviteurs de l'Éternel. Je pense que cet argent est envoyé pour un but précis. Et quand on gère les fonds que nous recevons à l'église, on doit le gérer comme on doit pouvoir rendre compte à Dieu. Parce que c'est de l'argent de Dieu. Je parle pas des dîmes. À chaque fois, le gestionnaire principal n'a rien à cirer. À chaque fois, je veux parler des dîmes, tu dis, on arrête. Moi, je vais dire, parce que ça fait partie de... Non, je disais qu'on va revenir sur les ressources de l'église. Arrêtez. Oui. La dîme, oui. C'est un argent consacré, n'importe qui ne le mange pas. Si on va à la Bible, c'était consacré au Lévite. Si vous prenez la dîme, vous le redistribuez aux brebis. C'est même la malédiction. Je veux dire, il y a pas d'argent. Mais apôtre, vous êtes apôtre de Jésus-Christ, vous êtes apôtre de Moïse. Enfin, on va pas s'engluer dans cet autre débat. La question des dîmes, du tout. Parce que je vois les brèches qui s'ouvrent, ça. On va s'éloigner du débat. Il y a beaucoup de choses qui sont dites qui nous concernent véritablement dans l'église actuelle, qu'il faut vraiment mettre sur table et qu'il faut répondre franchement. Parce qu'au fur et à mesure, nous posons seulement des questions, nous ne répondons pas. Si vous voulez qu'on ait une table ronde sur la dîme, alors. Amen. Vous savez à quel point cette question divise l'Église, les partisans, les opposants, sujet que nous avons et les opposants de la dîme. Voilà, nous parlions. Non, mais c'est ça qui risque de revenir en avant. Relever les offrandes et tout ce qu'on reçoit. Et à la fin du culte, on se met à la porte, on le redistribue. Non, pas la fin du culte. Voilà. Ça, c'est un peu caricatural, ça. Non, c'est pas ainsi. Voilà. Je vais rebondir sur un point qui est retourné tout autour. J'ai dit, il y a la notion, dans notre tête, nous voyons toujours l'église comme étant ce bâtiment où on se rassemble et puis on en fait un service. C'est ça le vrai problème. Or, lorsque nous avons admis que nous sommes nés de nouveau, on n'est pas nés de nouveau pour être fermé dans un local. Je ne suis pas chrétien ou bien serviteur de Dieu lorsque je suis dans ce local-là. Lorsque je suis n'importe où, pour quelqu'un qui n'est pas dans ce rassemblement et qui est né de nouveau, quand quelqu'un travaille, il y a des gens qui sont au gouvernement, qui sont nés de nouveau. Des gens dans différents strates de la société. Lorsqu'ils sont là-bas, la Bible nous donne les injonctions qu'on fasse n'importe quoi, comme si on faisait pour le Seigneur. Donc si quelqu'un, par exemple, est conducteur de moto-taxi, lorsqu'il est croit, il conduit son moto-taxi maintenant, comme il travaille pour le Seigneur, pas pour une autre personne. Et par conséquent, il va faire selon la règle que le Seigneur aura établie par rapport à ce métier-là. En faisant cela, il en est de servir Dieu. Donc servir Dieu ne revient pas seulement à prêcher l'évangile, c'est pas ça dont c'est les questions. Il y a les différentes choses, différentes personnalités, différentes fonctions que Dieu a établies dans l'église. Lorsqu'on dit par exemple le principal dirigeant ou bien le principal visionnaire ou bien le pasteur principal, ça me cause beaucoup de problèmes. Et on dit donc que c'est lui qui a de l'argent. Ça cause encore le problème. Comment se fait-il que toute la ressource se trouve entre ses mains, concentrée entre ses mains? Oui. Et même dans certaines dénominations, c'est celui qui doit donner l'or, il y a ce qu'on appelle les droits de signature, comme on a fait exactement comme les entreprises où il faut déléguer de l'argent. C'est terrible. La question maintenant, c'est allons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible en dit? Je vais commencer dans la Bible maintenant. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, on n'a pas le temps, je vais seulement citer au fur et à mesure. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, l'apôtre Paul prescrit ceci. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, il dit clairement la collecte en faveur des saints. Il n'y a nulle part où on a dit la collecte est faite en faveur du prédicateur ou quoi que ce soit. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, que chacun de vous, selon son besoin, selon sa prospérité, selon sa libéralité, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ça, c'est quand même contraire avec l'église aujourd'hui. On dit qu'il faut donner 300 000 comme quelqu'un a parlé pour soutenir le ventilateur, ainsi de suite. Il n'y a pas ces choses-là. Maintenant, il dit que chacun met chez lui ces choses-là afin qu'on n'attende pas qu'il vienne, afin qu'il prenne ces collègues-là. Et même, ces collègues-là qu'il faisait, ce n'est pas pour le rassemblement, l'église locale de Corinthe. Et c'était en partance pour Jérusalem. C'est donc pour cela qu'il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9 que vous citiez tout à l'heure là, en disant que si nous avions semé chez vous les biens spirituels, n'avons-nous pas le droit de moissonner les biens temporaires? Si d'autres l'ont moissonné, ce n'est pas plutôt à nous de moissonner. Et je suis ce que le pasteur quand il disait, et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 là, il dit, de même le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un défi pour les gens d'aujourd'hui, de vraiment prêcher l'évangile, de vivre pour l'évangile. Jésus n'a pas dit qu'on prêche l'évangile, on oppresse les gens afin qu'ils nous donnent de la nourriture. Non. Les Lévites, puisqu'on parle de la comparaison. Les Lévites n'oppressaient pas les Juifs d'antan pour qu'ils viennent donner. Chacun savait exactement quelle est sa place. Et par conséquent, ceux qui venaient au temple venaient donner. Les Lévites savaient effectivement ce qui leur revenait. Ils savaient ce qui devait revenir au sacrificateur. Et personne n'emboîtait sur personne. C'est parce qu'aujourd'hui, on a mixé les choses de Dieu avec la compréhension humaine, avec les institutions humaines. C'est ça qui a amené tous ces embrouilles. Donc, tant qu'on va débattre là-dessus et qu'on n'admet pas qu'il faut qu'on retourne à la vérité, à la parole, et que ce soit la parole qui tranche, et que chacun donne son avis, on aura toujours ces problèmes-ci. Avec voilà, votre permission, j'aimerais lire ce verset pour compléter ce qu'il a dit. C'est 1 Corinthiens 9, verset 18 qui dit « Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Alors, mais là, le verset dit qu'il y a un droit de prédicateur. Absolument. Un droit de prédicateur. On va y approfondir. C'est pour ça que... Oui, plus bas, il y a un droit. Oui, il y a toutes ces choses-là. Si on répond ici, d'où viennent les ressources de l'Église ? Pourquoi refuse-t-il de les exercer ? En fait, il dit pour ne pas faire obstacle à l'évangile. Et c'est ça, c'est cet obstacle que nous constatons au milieu de l'église, comme le pasteur disait aujourd'hui. C'est pas une faute. Pour parler encore avec ces versets, dans 1 Thessaloniciens, il va dire à plusieurs fois aux Thessaloniciens que nous aurons pu nous produire en autorité, avec autorité, comme apôtre de Christ. Mais nous avons montré au milieu de vous que c'est à force de travail qu'il faut nourrir les gens, qu'on fait comme ça pour faire le service de Dieu. Et quand il dit nous, l'apôtre Paul ne parle pas de lui, c'est parce que chaque fois qu'on parle aussi de l'apôtre Paul, il dit que nous n'avons mangé de la nourriture des personnes, gratuitement des personnes. Nous n'avons pas eu pour mobile, et vous savez effectivement que nous sommes conduits comme ça au milieu de vous. Donc en fait, il y a un droit d'abord, parce que dans 5 Corinthiens, chapitre 9, il parle. Consiste-t-il ce droit? C'est droit. Mais c'est toujours l'apôtre Paul qui répond. Si nous lisons Philippiens, si vous permettez, seulement je lis Philippiens. Philippiens au chapitre 4, rapidement. Je lis Philippiens chapitre 4, je lis à partir du verset 10. Il dit: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Verset que nous citons tous. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc l'apôtre peut être dans la détresse. Et c'est ça qui va tourner autour. Maintenant, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et réservait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Puis oui. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Oui, mais là, est-ce que on ne tient pas compte, est-ce qu'on évacue pas un peu la spécificité de l'apôtre Paul, qui n'est pas un dirigeant local, mais qui était un apôtre itinérant, qui n'était pas un dirigeant d'une assemblée locale, parce que là, son cas est assez spécifique. Absolument. Si on doit calquer le fonctionnement de tous les pasteurs sur celui de l'apôtre Paul, là, on va tomber dans une... Ça ne va pas fonctionner. En fait, c'est pour ça que j'ai pris le cas de l'apôtre Paul, c'est un cas assez exceptionnel. Qui ne colle pas avec le fonctionnement des différentes assemblées. Oui. Par exemple, l'apôtre Paul, lorsqu'il envoyait Timothée ou les autres, il demandait à ses assemblées de prendre soin de ces personnes, de pouvoir à leurs besoins. À leurs besoins, de les recevoir comme le Saint. C'est normal, c'est la bienséance, c'est normal. Il a parlé même des identités. Il faut que les nôtres aussi, dans le chapitre 3, verset 8 à 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. Est-ce que finalement, l'apôtre Kamte, il a Sarah et bien sûr, Pasteur Libé 30 Chab, est-ce qu'il n'y a pas un vide? C'est que les juristes appelleraient vide juridique en ce qui concerne l'organisation, la prise, l'organisation des revenus et la répartition. Parce que quand on lit, on voit la parole de Dieu. Est-ce que là, on ne devrait pas s'en remettre à la direction du Saint-Esprit, par exemple? Parce que chercher absolument à trouver un prototype dans la parole de Dieu, ce serait quelque part... Le problème, c'est qu'on a constitué, on a considéré l'Église juste comme une institution. C'est ça le vrai problème. Parce que les assemblées ont toujours existé, même du temps de l'apôtre Paul. Il y avait l'Église de Corinthe. Eh bien, dans ce cas, ils n'ont pas de problème que nous avons. Non, ils avaient même plus de problèmes qu'aujourd'hui. L'Église de Corinthe, par exemple, l'apôtre Paul dit qu'il y a plus d'immoralité là-bas que même chez les païens. Dans chaque Église. Au sujet que nous mentionnons. Oui, le sujet que nous mentionnons. Ils ne semblent pas avoir eu ce problème-là. Voilà, ce que je dis aujourd'hui, est-ce que nos assemblées, avec le temps qu'elles nôtre, est-ce qu'il n'y a pas un vide scripturaire en ce qui concerne la gestion des finances et la gestion du personnel. Non. Moi, je voulais dire qu'en réalité, l'Église est organisée. Si on regarde l'Église au temps des apôtres, ce n'était pas comme les églises sont aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. On a battu pavé sur l'organisation. On a organisé l'Église. Cela a par cela tué le Saint-Esprit au sein de l'Assemblée. Les pasteurs sont dirigés en chef suprême. Et maintenant, le pasteur, il prend 80% de temps à l'église pour collecter l'argent. Pour rencontrer le pasteur, il faut donner 2000. Ou alors, il a ses CD. Vous devez acheter à la porte avant de rencontrer le pasteur. Alors, vous apportez une bouteille d'eau. Vous bénissez et vous donnez de l'argent en contrepartie. Nous ne considérons pas cela comme... Nous intéresse. Parlons de ceux au moins qui restent dans le contexte de l'Évangile. C'est tout cet argent, toute cette masse-là oui. qu'on demande ce qu'on va faire avec. Oui. Maintenant, moi, je dis, je parle pour moi, parce que chaque fois que je parle de moi, oui. non des autres. Oui. Donc j'ai encouragé tous les ministres sous moi à travailler. À travailler. Tous mes diacres, ils sont environ 8, tous travaillent. Donc je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de diacres qui souffrent. À la limite, tous mes diacres travaillent. Et non pas tous des voitures. Et les indigents qui sont alors, comment ils font pour bénéficier alors de cela? Maintenant, les indigents qui sont au sein de l'Assemblée, comment bénéficient-ils? Oui, mais quand vous dites... Un instant, pasteur, je vous pose une question. Quand vous encouragez vos diacres et vos assistants à travailler, avec l'Assemblée, vous avez à peu près 600 membres dans votre Assemblée. Ouais. À la fin du boulot, est-ce qu'on est encore en capacité de donner le meilleur de soi pour prendre soin de ses brebis? Parce que dans quelques assemblées où il est strictement interdit au pasteur de faire autre chose que de prendre soin de l'Assemblée, oui, mais en termes de disponibilité, le diacre ou le pasteur qui va travailler avec la pression du travail, le stress et autres, est-ce qu'il est encore en capacité de donner sur le plan un rendement spirituel, un rendement social à la hauteur de celui qui ne fait rien d'autre que passer le temps à prier? Au même moment où je travaillais, oui. il y avait des prédicateurs dans notre assemblée, dans nos églises. Parce que nos églises sont autonomes et souveraines. Oui. On peut dire ça. Nous n'avons pas directeur général. Nos assemblées, c'est-à-dire quand un pasteur il est le président directeur de l'assemblée, nous n'avons pas un directeur en chef qui couronne toutes les églises, non. Donc, alors, au moment où je travaille, il y a d'autres pasteurs qui ont d'autres églises qui ne travaillent pas. Et c'est pourquoi je vous disais qu'à un moment donné, quand j'avais assez d'argent, je regardais les pasteurs qui ne travaillaient pas et qui étaient à plein temps. Mais malgré tout, avec des petites assemblées qui ne pouvaient pas les soutenir comme ils se devaient, je leur reversais une partie de cet argent pour les soutenir dans leur ministère. Dans l'église, nous prenons des fonds de l'église pour nous occuper des veuves. Oui. Et quand un membre a un problème, nous passons le panier pour ce membre. Nous occupons de nos membres. De toute façon, en tant que m'étendant du pasteur, je ne vous dirai pas qu'il y a quelqu'un qui souffre et que nous on ferme les yeux. Jusqu'à maintenant. Maintenant, je veux aussi enlever dans la tête des Camerounais que le pasteur doit marcher avec les haillons pour être un bon pasteur. Le pasteur doit porter des vêtements les plus propres. Et les tissus en coton, parce que nous on transpire, on a besoin des tissus qui absorbent la sueur. Vous comprenez? Donc, alors, j'en pense qu'on doit marcher à pied. Eux, par l'instant, qui marchent avec les pas. Donc, nous on marche à pied. Alors, ils n'ont pas honte de nous voir sous le soleil s'arrêter, baisser la vitre, fumer, nous saluer. Et bon, la vitre, ça remonte. Et quand on demande qui c'est qui? C'est mon pasteur. Lui, il marche à la pado, fumé, qui baptise son pasteur, marche à pied. Il est content. Il dit voilà mon pasteur. Est-ce que c'est pas un discours ambigu? D'accord. Alors, c'est la question que je compose aujourd'hui. Peut-être qu'on va passer, avant de passer la parole à Ila Sarah. Vous encouragez les pasteurs à travailler oui. pendant que nous voulons que l'œuvre du Seigneur grandisse. Et quand elle croît sur le plan numérique, les brebis qui ont besoin du pasteur ne peuvent pas le voir en temps voulu parce que le pasteur est au boulot. Est-ce que ce n'est pas sous-estimer la vocation céleste quand le pasteur a des collaborateurs, Les collaborateurs doivent travailler. Oui, finalement, ça veut dire que le temps accordé à l'œuvre de Dieu, c'est le temps de relaxation. La grande partie de l'énergie est consacrée aux entreprises séculières et le résidu d'énergie, c'est à l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas là on ne s'en mêle pas un peu les pédales. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, et je vais apprécier cela. Si Dieu vous dit de mal travailler. Oui. Quand j'ai écouté le conseil, aucun ne m'a dit, Dieu m'a dit de ne pas travailler. Voilà. Chacun doit avoir une relation intime avec Dieu. Avec Dieu, d'accord. Tu dis, gars, tu vas travailler pour gagner ta vie, et puis on t'ajoutera quelque chose de la ville pour arrondir des fins de mois. Pasteur, je suis désolé, mais le Seigneur m'a révélé de ne pas travailler. D'accord. Mais si, me dis pas, je le pousse à aller travailler, il faudrait que je m'occupe. À 100%. D'accord. Et ça, c'est pas évident. D'accord. Et là, Sarah, je voudrais que vous répondiez sur la question spécifique des chantres du Seigneur au sein de l'Église. Je voulais te dire quelque chose à Sarah, si vous me permettez. Sarah, le jour où vous venez à mon Église, quand vous allez chanter, vous partez avec un panier plein d'argent. Théo a vu ce genre venir chanter à l'église. C'est une invitation, ça. Apôtre, faut-il lui donner donc quelque chose parce qu'elle vient chanter dans votre assemblée alors que c'est une croyante? Oui, si elle chante. Oui. Elle vient chanter pour vous alors peut-être parce qu'elle anime votre soirée ou bien votre culte là. Il faut dire que je ne suis pas animatrice, je ne suis pas bouffon. Voilà, c'est ça le vrai problème justement. Je ne suis pas justement. Je suis très très frustrée. Je suis pas contente du tout qu'ils prennent ça comme ça. Je suis allée dans plusieurs assemblées. Je crois que je suis allée dans la vôtre même aussi. Où? Vous avez dit un Colmitat. Oui. Oui. À l'église de Colmitat, vous avez un Colmitat. On n'avait pas un certain frère Gauthier là-bas? Si. Frère Yves Ambaga? Si. Voilà. J'y suis allée plusieurs fois. Et je n'ai pas été considérée. Est-ce que vous avez entendu le panier? D'accord. Non. Dépassons les considérations peut-être personnelles. Je n'ai pas porté ma casquette. Dépassons les considérations personnelles. Bon, je voudrais dire que je suis d'ailleurs très enchantée de vous voir en face comme merci, ça. Merci, madame. Vous êtes mon voisin très, très proche. À l'église, c'était un peu loin. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous calme. Les chantres à l'église. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont l'attention et le respect, la considération à la hauteur de ce qu'ils produisent? Parce qu'on a l'impression qu'ils font un peu du show en attendant que le pasteur vienne donner le plat de résistance. Été considérés. Et pourquoi? Parce que les pasteurs ne savent même pas ce que c'est qu'être un chantre. Ce n'est pas un ministère déjà considéré. Les choses ont été instituées actuellement de façon à ce que c'est le pasteur qui est le boss. Ok, cet auditeur-là va vous interrompre. Vous avez la parole après lui. On reçoit l'auditeur 243-07-56-32. Bonjour et bienvenue. Vous baissez le récepteur et vous intervenez. Vous présentez, vous intervenez. Oui, Raoul. Rebonjour, c'est Elonfi Rosin. Oui, parce que je vais me poser une question, là, ce que je ne comprends pas. Quand vous dites que on sous-estime l'œuvre éternelle parce qu'on demande aux gens d'aller travailler. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi vous posez une telle question. Moi, je veux lire, hein, je n'ai pas une forte connaissance, mais dans le livre des Proverbes, au verset 15, la Bible dit, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Le problème des églises, c'est que les églises sont personnalisées dans notre pays. C'est-à-dire chacun a ouvert sa maison. Parfois, c'est dans sa propre maison que tout se passe. Et il gère l'église en croyant que c'est sa propriété. Le pasteur vous disait tout à l'heure qu'il a des adjoints. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne travaillent pas à l'œuvre du Seigneur. Quand le pasteur travaille, il y a les adjoints qui sont là, qui se font. On peut faire le service de Rome. Il y a des églises qui ont 4, 5, 6 ou 8. Bon, selon le nombre des brebis, même 10 pasteurs à la disposition des brebis, je ne sais pas pourquoi le problème du travailler est un problème pour toi. Parce que tu dis que c'est une façon de sous-estimer. Un homme de Dieu qui travaille, c'est un homme de Dieu qui est au service de Dieu. Oui, et qui aide l'Église à prospérer. Frère Elon, quand vous avez 50 personnes sous votre responsabilité, que vous finissez le boulot, vous allez au boulot à 7h, vous revenez à 19h. Est-ce que ça vous laisse le temps de prendre soin de ces personnes? Les âmes de ces personnes sont-elles moins importantes que l'argent que vous allez gagner à votre poste? C'est ça, là, c'est un peu le sens de la question. Vous n'êtes pas seul dans l'église. Mais si c'est le cas, il faut avoir des conseillers, il faut faire confiance aux gens qui travaillent avec vous. Former les jeunes, il y a des jeunes disponibles qui sont à l'église. Oui, mais si ces gens aussi travaillent, si ces gens aussi vont au boulot, puisque l'apôtre les a conseillés à tous d'aller au boulot, d'aller travailler. On fait un service. Si je sais que moi, je suis en plein temps mercredi, puisque vous utilisez le terme plein temps, je sais que mercredi, je m'arrange au travail pour être correct le mercredi. je voudrais peut-être de mercredi à vendredi, il y a un autre qui sera de lundi à mercredi, et ainsi de suite. On organise l'église, de telle sorte qu'il y a quelqu'un de disponible à tout moment pour les brebis. D'accord, donc pour une question d'organisation. Très bien, merci. Merci. Elle est importante. Et là, Sarah, vous aviez la parole. Oui, je disais que. Il y a deux approches. Hein. Raoul ? Non, allez-y. Pourquoi entre chantre et pasteur. Pourquoi les artistes ne sont pas considérés à la hauteur de leur rendement ? Bon, je ne vais pas dire artiste. Enfin, je vais dire chantre. Excusez-moi, c'est un lapsus. Chantre éternel. Dans les assemblées où il y a. Des leaders de louange, parce qu'il y en a où il n'y en a pas. Les assemblées où les frères se retrouvent et puis chacun donne son chant et puis l'assemblée prend un cœur et puis c'est terminé. Et dans les assemblées où c'est donc structuré de façon à ce qu'il y ait un pasteur, diacre, leader de louange et puis le reste chorale et tout, ainsi de suite, les pasteurs ne se rendent pas compte que les chantres qui sont là ne sont pas que des animateurs. C'est un travail en un service en collaboration. Nous sommes des collaborateurs pour la gloire, pour l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, il y a comme une sorte de négligence, d'inconsidération même de la personne qui dirige les louanges. Moi, par exemple, moi, partout où je suis passée, j'ai été victime. Donc, moi, dans mon assemblée, je viens et puis je regarde les choses à distance. Parce que tu ne considères pas mon ministère. Je ne vais pas jouer les bouffons. Venez vous faire plaisir, animer. Si tu me dis, viens animer, je ne viens pas du tout. Ce n'est pas de l'animation que je fais. Mais là, tu es en rébellion. Je ne suis pas en rébellion. Confrontation ouverte avec le leader. Non, je vais te dire. Si tu te mets en retrait et que tu ne donnes pas de ton talent devant le Seigneur, qu'est-ce que ça représente? Justement, parce qu'un homme t'a frustré. Le corps de Christ bénéficie du talent que Dieu m'a donné. Si une assemblée n'a pas besoin de toi, le corps de Christ en a besoin. Le corps de Christ en a besoin. Abandonné par d'autres vos assemblées. Je suis dans mon assemblée. Je peux donner des conseils. Je peux apporter Vous êtes devenue une brebis indépendante. Et là, ça, monsieur... disponible en fonction des sollicitations ou des non-sollicitations des autres églises. Pas du tout. Vous êtes là quand vous n'avez pas été sollicité ailleurs. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. J'en parlerai en coulisses tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Mais je voulais dire que c'est quand même dommage que les pasteurs ne considèrent pas que doivent être travaillés en étant. Mais Sarah, comment est-ce que les pasteurs devaient considérer vous, ou quand vous parlez de considération, vous parlez de quoi au juste pour qu'on puisse comprendre? On devait vous considérer comment, par exemple, dans votre assemblée, vous savez que moi, je ne vais pas parler des donneurs. Je ne parle pas d'honneur, je ne parle pas d'argent. Ça, c'est comment devez-vous considérer donc? Vous parlez de quelle considération? Quel style de considération? Comment est-ce qu'on vous marginalise? Le thème, par exemple, comme ceci. Bon, la louange est passée. Oui. L'adoration est peut-être passée. Et puis on vous dit faites vite. Et puis on sait très bien que une mauvaise louange, une mauvaise adoration, c'est une mauvaise prédication qui va suivre. Peut-être ne savent pas. Non, ça c'est vrai. Vous ne savez pas. Mais je vous le dis, parce que Dieu siège, pas au milieu de la prédication, là, mais au milieu de quoi? Dit la Bible. Aidez-moi à répondre. Des enfants, la louange de son peuple tout entier. C'est quoi la louange? Oui, alors, mais ce n'est pas vous seul qui chantez les louanges, c'est tout le peuple qui est censé chanter les louanges. Déjà que la louange, ce n'est même pas que chanter. Voilà. Maintenant, vous ne permettez même pas au peuple de chanter les louanges. Pourquoi? Parce que vous avez compacté le temps à qui ne dure que peut-être 5 minutes ou bien 15 minutes. Ensuite, donc, vient monsieur le modérateur qui va dire, maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est quoi les choses sérieuses dans l'Assemblée de Dieu? Et qu'est-ce qui n'est pas sérieux dans l'Assemblée de Dieu? Le moment le plus important est arrivé. Oui, pour le moment, c'est une offrande. Donc, d'abord, ça veut dire qu'entre temps, moi, je jouais les bouffons. C'est pour ça que moi, je n'ai pas envie de jouer les bouffons. J'ai envie d'être utile. Et je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon énergie. J'ai envie d'être utile dans le corps de Christ. Mais, vous voyez que vraiment, il y a vraiment un grand mal dans le corps. Il y a cette embrouille-là. Et maintenant, tout à l'heure, à l'entame de ses propos, elle avait dit qu'elle fait également, elle pourrait faire des projections sur CD et vent. Maintenant, voici le talent maintenant qu'elle met dans le CD. Elle vend cela pour avoir de l'argent. Le prédicateur aussi, les prédicateurs se mettent aussi leur CD de la même façon, dans le CD, et ils vendent ses supports. D'autres mettent encore les mêmes prédications dans les livres, dans les brochures, et ils vendent. Voilà comment on est allé comme ça à la dérive. On nous sommes en pleine dérive. Nous avons convenu que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit l'église. Les fondations sont mises dans la Bible. et comment on devrait je pense je pose une question juste à Sarah, je vous redonne la parole, je vous garantis. Alors et la Sarah, moi à titre personnel, j'ai constaté dans l'église dans laquelle j'ai appartenu parce que j'en ai appartenu à plusieurs, les chambres, comment vous dites, quand vous dites enfin du tout, je suis journaliste en plus, je devrais, je vous le rappeler, et ça fait partie de ma profession, donc on peut se retrouver dans ce titre là sur le plan professionnel. Alors lorsqu'on constate les sœurs ou les frères, après avoir chanté, parce qu'ils ont débauché beaucoup d'énergie, ils sont complètement affalés, affaiblis. Il n'y a pas de quoi prendre un jus. Ils réfléchissent tout le temps à ministère. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à la maison en termes de transport? Et quand insiste en observant cela, et c'est récurrent, vous estimez qu'on n'a pas besoin de les considérer en termes de soutien financier? Comment est-ce qu'on fait alors pour gérer ces personnes? Qu'elles s'auto-gèrent elles-mêmes? Je l'ai dit au départ ici. Je l'ai dit que normalement, s'il y a de quoi pouvoir aux besoins des uns et des autres, qu'on pourvoir aux besoins de tout le monde. Et quand ce n'est pas fait, vous ne trouvez pas nécessaire de revendiquer? Moi, je ne vais pas rebeller les chants parce que j'ai une lourde responsabilité. Vous le savez. Si. Je ne vais pas me mettre sur les antennes pour dire aux chants de se rebeller. Maintenant, ce que je vais donner comme conseil à tous ceux qui interviennent dans le ministère de l'Ange d'Adoration, dans les assemblées, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire du Seigneur Jésus. Faites les choses comme servant Dieu. Même si on vous frustre. Même si on vous frustre. Ne restez pas derrière. Oui, même si on vous frustre. Comment ça? Il est en train de vous titiller. Non, je le sais. Je le sais. Même si on vous frustre, continuez à le faire pour la gloire du Seigneur. Moi, personnellement, je n'ai pas toujours été beaucoup soutenue par les leaders d'assemblée où j'ai été en tant que chante. Mais ce que je sais, c'est que Dieu se souvient de ses serviteurs. Je vous dis, même si vous n'avez pas un album sur le marché, Dieu a commencé à se souvenir de moi il y a très longtemps, avant que je n'aie même sorti un album. Un album sur le marché, c'est comme un pasteur qui a son assemblée. Vous comprenez un peu, non? C'est un peu pareil. Donc Dieu a commencé à se souvenir de moi depuis très très longtemps en tant que servante. Oui, mais les autres chantres qui n'ont pas peut-être la carrue et le talent et l'inspiration qui est la vôtre, qui ne peuvent pas produire des albums autant que vous l'avez fait, qui n'ont pas la même reconnaissance, quand je dis reconnaissance, je veux dire la notoriété qui est la vôtre, et qui chaque dimanche et même en chaque semaine vont chanter et qui sont royalement ignorés. Oui, mais c'est pour cela que je continue à dire que faites les choses comme servant le Seigneur. D'accord. Faites les choses Se souviendra amour de vous. Pour le Seigneur. C'est d'abord ça. Moi aussi, j'ai commencé par là. Vous m'avez connu il y a combien de temps? Pourtant, il n'y a pas très longtemps, j'ai célébré 20 ans de ministère constant dans la louange et l'adoration. Pourtant, mon premier album est sorti il y a peut-être environ 10 années. Donc, ça veut dire que pendant 10 années avant la sortie du premier album, qu'est-ce que je faisais? Je servais le Seigneur. Et le Seigneur se souvient toujours de ses serviteurs. Je l'ai toujours dit. D'accord. Partout où je suis passé. Encore qu'elle est Sarah, parce qu'elle s'est souvenue d'elle jusqu'à ce qu'elle a accouché. Mais je veux dire pour enchaîner à ses propos et en posant une question, c'est maintenant, comme le Seigneur s'est souvenu d'elle et qu'elle vend aussi ses CD, qu'elle les emploie, qu'est-ce qu'elle fait aussi de fond? Est-ce qu'elle aussi, elle soutient aussi les gens de l'église, ou bien elle déverse aussi ça au pasteur pour pouvoir faire ce que les pasteurs ne font pas avec leurs propres fonds? Ça, c'est une question que je me pose comme cela. Mais tout à l'heure, nous avons touché un problème ici au niveau des. Quand j'ai lu l'écriture, vous avez dit que ça, c'est le cas spécifique de l'apôtre Paul. Et vous avez posé la question maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un vide juridique, comme on pourrait aller sur le thème de la terminologie juridique? Est-ce qu'il n'y a pas un vide dans la parole de Dieu par rapport à la gestion financière ou bien la répartition des biens? La Bible, les actes des apôtres, on dit les actes des apôtres, en réalité, c'est les actes du Saint-Esprit. Les problèmes qui seront suscités à l'église naissante, ce sont les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont à multiplier. Wow. Donc, la manière. Les auditeurs ont un problème avec vous. C'est terrible. C'est la coïncidence. Oui. Ok, on prend cet auditeur, 243-0756-32. Bonjour, vous vous présentez, vous êtes. Bonjour. Oui. Je salue, frère, le panel en place. Bonjour. Merci. Oui, je m'appelle frère Mona André. J'aimerais juste apporter ma petite contribution. Allez-y. Pour le sujet du jour. Allez-y. Bon, en matière de salaire, moi je pense que lorsqu'une assemblée est bien bâtie, elle a bâti sur la base scripturaire, c'est-à-dire biblique, selon le modèle que Christ nous a laissé. On devrait, le pasteur est le seul garant et le gérant qui doit rendre compte au Seigneur. L'employeur principal étant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce que nous rencontrons régulièrement dans nos assemblées, c'est que il y a beaucoup qui viennent se mettre à la tête des assemblées, mais qui ne sont pas appelés du Seigneur. En d'autres termes, ils travaillent pour leur ventre, comme Paul le dit. Et il y a beaucoup aussi de collaborateurs qui travaillent pour leur compte et pour leur ventre. Bon, maintenant, si le chanteur se trouve dans cette catégorie de personnes, il ne devrait pas se plaindre. Moi, je pense que, comme on a dit au début, on devrait plutôt s'en tenir à son employeur qui vous a appelé, à votre employeur qui vous a appelé à votre travail. Maintenant, il se pose le problème de salaire ou bien de disparité entre la vie du pasteur et des collaborateurs ou bien des autres membres dans l'Assemblée. Moi, je pense que ce côté-là a été résolu dans les écritures parce que Paul travaille dans les Assemblées. Et il s'est... Je veux dire, il dit qu'il a appauvri d'autres assemblées pour se trouver un terrain. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose que le Seigneur même règle dans son assemblée. Quand une assemblée est souverainement dirigée par le Saint-Esprit, les problèmes de salaire, que ce soit pour le pasteur ou bien pour le collaborateur, est réglé. Quelque part, il dit dans Corinthiens que vous ne pouvez pas manger chez vous avant de pouvoir venir discuter le repas du Seigneur. Ça veut dire que ce sont des gens qui avaient des capacités de manger ce jeu. Termes qui pouvaient travailler et avoir des salaires en dehors même de l'Assemblée. Donc, il est hors de question de dire qu'on encourage les collaborateurs à travailler. Si c'est une Assemblée bâtie par le Seigneur, le Seigneur aura la capacité de leur trouver du travail. C'est un peu ma petite compte. D'accord, merci. Elle est importante. Merci infiniment d'être passé par ici. Oui. Il vous a titillé en disant que, supposant ce que vous envoyez, les pasteurs travaillent. Bon, c'est moi qui avais la parole. Oui, oui. Je vais rebondir sur la quoi. On revient à la porte. Oui, sur l'appel de le frère Nolan André. Oui. Remarquez bien, il dit c'est le pasteur principal. Enfin, il a dit le pasteur principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur que tout doit être concentré autour de lui et que c'est lui qui doit en rendre compte au Seigneur. C'est l'une des mauvaises interprétations, encore l'auditeur. Ok, on va prendre un autre. 253-07-56-32. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous présentez aux intervenants. Je voudrais intervenir à l'émission. Oui, vous vous présentez et vous intervenez. Donc, c'est pasteur Nana. Oui, allez-y. Je voudrais intervenir par rapport au thème du jour. Je voudrais d'abord saluer tous les panélistes. Bonsoir. Bonjour. Apporter ma modeste contribution. C'est un problème purement structurel. Je pense que les réponses que nous devons donner doivent être structurelles. Et le modèle que nous avons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons pertinemment comment il a conduit les disciples. Nous savons qu'ensuite, nous avons eu l'apôtre Paul qui nous a laissé structurellement le fonctionnement de l'Église. Et je pense pour ma part que ceux qui sont véritablement des serviteurs de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Et que les problèmes d'argent et tout le reste ne devraient même pas logiquement se poser dans l'Église. Bien que ça existe. Donc, pour ma part, je pense qu'un pasteur conduit par le Saint-Esprit saura conduire l'Église, ses collaborateurs avec, à ce que chacun vive de l'Évangile, tel que la parole l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Enfin, un instant, ne repartez pas. Que chacun vive de l'Évangile, c'est-à-dire? La Bible dit que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Donc, l'Évangile est suffisant pour générer les fonds pour entretenir ceux qui le prêchent. Bien aimé dans le Seigneur, prêcher l'Évangile et au préalable servir le Seigneur. Vivre de l'Évangile, c'est pas simplement les fonds sur le plan pécunier et que cela dégage. Parce qu'il faudrait déjà que nous mettions cette considération pécuniaire de côté. D'accord. Parce que dans tout le débat, je me rends compte que c'est que l'aspect pécunier qu'on met en avant. Oui, mais c'est justement la raison du débat. C'est la rémunération spirituelle, chacun, elle est difficilement quantifiable. et nous parlons des préoccupations matérielles, parce que les gens, les serviteurs, les ouvriers vivent dans une certaine précarité visible et qui porte atteinte à l'image de l'Église. Donc c'est justement pour cela que nous... Merci infiniment, nous avons parfaitement compris votre point de vue, pasteur Nana, merci de ce point de vue. Nous mettons en face sur le plan financier, parce qu'il s'agit des préoccupations matérielles. C'est le nez de la guerre. Matérielles, oui. Absolument. Mm-hmm. C'est le déséquilibre entre milieu chrétien où les pasteurs concentrent justement cet argent. On va prendre cet autre auditeur qui s'est impatienté. Oui. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour, vous présentez. Oui, bonjour. Oui. Oui, moi c'est Félix de Plus Casino. Oui. Oui, moi je voudrais dire quoi? Jésus-Christ est la tête de l'Église et nous sommes les membres du corps de Christ. Alors le Christ ne peut pas dire « j'ai pas besoin de la main ». Nous tous, nous participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le problème c'est quoi? C'est que l'Église n'est plus gouvernée par le Saint-Esprit. Les gens veulent gérer l'Église selon le système du monde. On ne laisse plus le Saint-Esprit gouverner l'Église. Moi je crois, si dans toutes les églises, on laisse le Saint-Esprit faire son travail. C'est que vraiment, franchement, dire ce problème-là n'aurait pas de raison d'être. Parce que le Saint-Esprit est capable de localiser tout un chacun et gérer cette situation. C'est la raison pour laquelle, moi, j'interpelle une fois de plus l'Église à donner la première place au Saint-Esprit afin que ce problème soit géré. Moi, je suis pas d'accord avec la Sarah. Mais je disais tout simplement dire à ma soeur que c'est tout simplement parce que le Saint-Esprit n'est plus le directeur de l'Église. On veut gérer l'Église selon le système du monde. Si on laisse le Saint-Esprit gérer l'Église, ce problème aura une solution. Jusqu'à le jour où on donnera la première place au Saint-Esprit, ce problème ne trouvera jamais de solution. Jusqu'au jour où on donnera la première place au Saint-Esprit pour gérer ce problème. Merci. D'accord. Merci infiniment d'être passé par ici. Et les Trans Diabda, nous sommes déjà pressés par le temps. Vous allez rapidement interrompre. Et je vais ramasser donc les idées ça et là et coller. Une fois de plus, les finances posent problème au milieu de l'Église. Et c'est quelque chose prophétisé pour l'Église de notre époque. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 22, il est dit de l'Église de l'Odyssée que la richesse l'a aveuglé. C'est pour ça que malgré qu'on va dénoncer ici, on aura toujours ces choses-là. Mais maintenant, je vais dire ce que j'ai dit ici à l'entente du propos, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a bâti. Il n'a jamais relâché son Église à elle. Le vrai problème, comme j'ai dit ici, c'est qu'il y a l'institution que les hommes ont mis et qui semble au-dessus de l'Église du Seigneur Jésus. Au milieu de cela se trouve dans l'Église du Seigneur Jésus, l'Église que le Seigneur Jésus bâtit. Ceux-là donc sont bâtis dans la vérité. Et ceux-là comprennent les paroles du Seigneur Jésus. Après que vous ayez fait tout ce qu'on vous a recommandé, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. Maintenant, le frère Nona André a parlé du pasteur qui doit rendre compte à Dieu. Maintenant, on voit effectivement que chaque fois qu'on parle, on parle du pasteur et même l'apôtre qui est devant nous parle comme lui, comme étant un peu comme un visionnaire, malgré que ça ne soit pas sur forme pyramidale et que les autres sont autonomes. Nous voyons donc ce mal-là au milieu de l'église parce que normalement, l'église du Nouveau Testament est gérée par un collège d'hommes. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, lorsqu'on parle des recommandations, au verset 17, il est dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, il y a des types d'enseignants, des anciens dans l'église qui ne travaillent pas à l'enseignement ni à la prédication. On a distingué la prédication ici et à l'enseignement. Maintenant, si vous lisez la constitution apostolique, l'interprétation qu'on en a fait de ces versets, c'est qu'on donnait au milieu de l'église le double salaire de ce qu'on donnait aux veuves. Ça veut dire que si on versait 20 000 francs aux veuves, on va verser le double. Mais c'est ça, et c'est extra-biblique. Il y a mais la Bible dit aussi que celui qui enseigne l'évangile soit jugé d'un double honneur. D'un double honneur. Oui. Alors maintenant, et la Bible déclare que donner honneur à ceux qui doivent honneur, est-ce que ça veut dire qu'on paye honneur, on ne veut pas dire que c'est un salaire. Non, non, ça n'a rien à voir. Puisqu'on va dire, on dit devenir honneur au roi, est-ce qu'on peut payer le roi? On ne paye pas le roi. D'accord. Alors, apôtre Kamte et la Sarah, pour sortir de ce sujet qui difficilement peut être ébauché en une émission, je voudrais aborder une question, c'est peut-être par là qu'on va sortir. Quand il y a de l'argent qui est donné à l'Église, que l'Église reçoit, et on dit on va acheter un terrain, il y a déjà des projets, on va acheter le terrain, ça coûte 15 millions, ça coûte 20 millions pendant qu'il y a des nécessiteux. L'argent est amassé, le terrain est acheté, des édifices sont bâtis comme les vôtres. Je suis pas là pour... Parce que vous avez un imposant édifice du côté de Colmita et tous vos édifices d'ailleurs sont très imposants. Ça a coûté des sommes et colossales, j'imagine. Alors, est-ce que, sincèrement, est-ce qu'on n'est pas là dans un jeu de dupes? On dépouille déjà ceux qui n'en ont pas, on se fiche pas mal de la misère dans laquelle ils vivent et on investit des dizaines de millions dans l'achat des terrains et l'édification des bâtiments somptueux. Je me souviens une fois, la veuve ou la femme, je crois que c'est la femme... La veuve a deux pièces. Non, celle qui est venue pour oindre la tête de Jésus avec le parfum. Ouais, c'était pas une veuve, c'était une jeune femme. C'est une jeune femme, ouais. Ouais, ouais, c'est ce que tu m'as dit. Alors, je lui ai dit, ben, on aurait pu vendre ce parfum et le distribuer aux pauvres. Oui. Jésus a dit, parce que c'était un parfum de grand prix. Tout à fait. Jésus a dit, laissez. Prenez avec sur moi. Oui. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Ah, d'accord. Je vous dis que c'est pas parce qu'elle est pauvre qu'on peut plus construire l'église pour se protéger contre le soleil et la pluie. Et même quand on prendrait ces 50 millions qui a construit l'église et le distribuer aux pauvres, il y aura toujours des pauvres. À un moment donné, il faut faire les choses pour la mais on peut laisser mourir alors les pauvres parce qu'il y aura toujours les pauvres. Lorsque Salomon a conçu le temple en Israël, il y avait toujours les pauvres. Il y avait les pauvres. D'accord. Quand Jésus est venu dans le grand temple, là, il n'a pas dit que c'était mauvais. Il a apprécié. Il a dit que ça a détruit. Ça a détruit, mais il n'a pas dit que c'était mauvais non plus. Oui. Maintenant, je veux dire que je ne pense pas qu'on ne devait pas construire. D'ailleurs, je crois que la richesse ou la prospérité d'un chrétien, d'une église, vient de la manière dont elle donne. Quand quelqu'un y donne, Dieu ne doit rien à personne. Oui, mais donner à qui? Ces édifices, ces édifices. On n'a plus le temps pour ça. Est-ce que ces édifices coûteux ne narguent pas? Ce n'est pas un peu narguer la misère des uns et des autres? Si vous voulez construire l'église pour continuer, pour garder, couvrir 500 personnes, vous voulez construire en paille, c'est ça? D'accord. Mais les 3000 personnes, les actes des apôtres n'ont pas eu besoin de construire des édifices qu'est-ce pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous en savez? Non, la Bible nous dit clairement. D'accord, très bien, ça c'est un autre élément. Alors, Et la Sarah, mais ça a commencé à partir avec Constantin. Avec Constantin. Et la Sarah. Ça a commencé avec Constantin en 325, apôtre Camte, vous devez savoir cela. Je sais qu'on y revient là. Dans son église, 200 ans avant, on ne construit plus. On ne plus. On doit rester dans les pailles. 20 millions, 30 millions. On doit aller au cimetière. Dans les magasins désaffectés. 20 millions, 30 millions, 40 millions. Dans les catacombes, n'est-ce pas? C'est là où on allait te dire avec les cafards et des les sommes. Moustiques. Non, mais du fait des. Ouais, comme d'accord, elle a la parole. On va en bout d'émission déjà. Okay. Des sommes astronomiques qui sont investies. Je vais vous dire une chose à l'endroit de ma fille. Allez-y en une minute. J'ai apprécié qu'elle ait pu parler comme elle a parlé. Et j'ai senti quelque chose au fond de son cœur. Vraiment. Si j'avais été son pasteur, et je vais dire très clairement que cette émission m'a aidé. Ah, d'accord. Très bien, c'est le but. Ça m'a aidé. Et on espère que ça a aidé. Je vais revoir le problème des instrumentistes, des chantres dans mon église. Mais apôtre, elle appartient au corps de Christ. Elle n'a pas besoin d'être sous vous. Puisqu'elle est chrétienne, elle est, voilà. Vous êtes apôtre, vous, non, automatiquement, elle est aussi avec vous. Je veux dire une chose. Fagotin, par exemple, n'a jamais travaillé. Il est peintre. Je me suis dit qu'il y avait deux tableaux de son existence, deux autres. Les autres sont à la salle de espace Bellevue. D'accord, c'est un auditeur. 30 secondes à cet auditeur. Et Sarah, bon, nous allons conclure avec elle. Allô, bonjour, vous intervenez de façon très précise, très concise, s'il vous plaît. Bonjour, présentez, vous intervenez. D'accord, bonjour. Bonjour. Bonjour. Oui, Daniel Bongué. Oui, allez-y. D'accord, je veux juste demander que je pense que bâtir des églises ou des édifices en soi n'est pas mauvais. Ça, c'est ce que je pense en soi n'est pas mauvais. Mais maintenant, c'est de voir un peu l'énergie qui est consacrée à faire cela, pendant que dans l'église, on a peut-être des frères et des sœurs dont on sait précisément qu'ils sont dans le besoin, les enfants qui ne vont pas à l'école. Et on les néglige parce qu'on fait une quête pour pouvoir bâtir un temple, quoi que ce soit. Mais en soi, c'est pas mauvais, mais il faut juste savoir faire la part des choses. D'accord. Okay, d'accord. Merci infiniment d'être passé. Alors, Sarah, vous partagez le point de vue de cet auditeur. Il dit bâtir l'église n'est pas un problème en soi. Il faut seulement savoir faire la part des choses, prendre en compte les enfants qui sont à l'église, qui ne vont pas à l'école, les différents nécessiteux. Est-ce que vous, fondamentalement, ça vous pose un problème que des sommes astronomiques soient investies pour acheter terrain et bâtir des édifices appelés églises pendant qu'il y a de la misère, de la souffrance? Ça ne peut pas me laisser insensible. Ça ne me laisse pas insensible du tout. Mais en même temps, je voudrais dire, il y a un frère qui a dit, et puis c'est très vrai, il faut que le Saint-Esprit soit à la base du tout. Si on le met de côté, on a échoué complètement. Donc, que ce soit pour la gérance des hommes, la gérance des finances et tout, il faut que le Saint-Esprit soit à la base. Il faut donner sa place à Dieu. Il faut lui redonner sa place, qui est le centre, la première place. Alors, facilement, les choses se feront. Il n'y aura pas de guerre. Il y aura des choses vont se faire comme elles devraient se faire. Mais avec les cœurs déjà endurcis. Parce qu'ils ont les cœurs durs. Oui, mais ils ont les cœurs durs. Mais n'empêche, notre devoir, justement, c'est de nous exhorter. nous exhorter. Nous exhorter justement à, son, à faire un véritable changement. Oui, qu'il y ait un changement. On ne va pas changer le cœur des gens. Mais en même temps aussi, si nous avons ce fardeau, comme nous rentrons à la maison, nous pouvons aussi prier pour ceux qui sont autour de nous, qu'on connaît, qui sont en train d'aller vers la dérive. C'est à ça que Dieu nous a aussi appelés. Entretenez-vous par des sommes, mais pas des prières, pas des cantiques, pas des prières. C'est notre devoir. D'accord. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Je crois que l'une des dérives qui est arrivée, c'est le fait que chaque assemblée a sa constitution, les règlements intérieurs en dehors de la Bible. Et par conséquent, on peut faire les décisions à n'importe quoi. Oui, justement parce que la Bible, chacun l'interprète comme il voit. T'as dû penser que c'est ça l'interprétation. La Bible dit que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste. On ne peut pas avoir saint pasteur. Cinq interprétations. Autant d'interprétations. Même avec votre femme à la maison, vous ne vous entendez pas. Et apôtre Kamte, c'est étrange puisque les gens qui étaient avant nous, qui avaient le Saint-Esprit, n'avaient pas les différentes interprétations comme on a aujourd'hui. Il faut admettre donc que les gens se trouvent au milieu de nous qui ne sont pas appelés de Dieu. Je me souviens qu'il y a eu. D'accord, mais l'émission est terminée. Vos souvenirs, ce sera pour une prochaine fois. Merci infiniment d'être passé. Pardon, oui. Merci. Oui, ils pourront causer un offre. L'émission, elle est terminée. Merci, malheureusement. Le temps, il est vite passé. Le sujet, il était tout autant intéressant. Merci à tous les auditeurs qui ont daigné participer à cette émission. Merci à ceux qui n'ont pas pu le faire, mais qui ont été à l'écoute. Merci à Dr. Phil Kouedi qui a mis en onde, qui a assuré le conditionnement technique de ce numéro. Merci à Harold Patrick Feyo qui a également co-présenté. Merci à Sarah d'être passée par ici. Intervention très lyrique et très profonde. Merci. Merci à votre Kamte d'être passé. C'est toujours un plaisir de vous recevoir parmi nous. Espérons vous avoir les prochaines fois. Chers auditeurs, amen. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 12h30, s'il plaît à Dieu. D'ici là, que le Seigneur vous accorde tout ce qu'il a de meilleur pour vous le long de cette semaine. Patrick Pinkham était à la co-présentation de cet autre numéro de RBN Hebdo. Shalom.